Merci d'être fidèle à la première. C'est l'heure d'Histoire vivante. Bonne écoute. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent, en nouvelle diffusion, Histoire vivante. C'est la Vierge Marie en déshabillé de soie. Hein. Pourquoi il y a des bouteilles de Bourgogne à épaules tombantes, des bouteilles d'Alsace en forme de clocher de la cathédrale de Strasbourg et des bouteilles de Bordeaux à épaules carrées? Travailler dans le vin? Vous connaissez beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans le vin ici? Cette semaine, un certain fruit. Le vin, c'est l'incarnation de la lumière du soleil enveloppée par de l'eau. De l'amphore. Il y avait dans les vins antiques énormément d'additifs. À la mondialisation. Nous avons détruit le mythe de l'invincibilité de la vigne française. Contenu. Plus sérique qu'une nonne, mais bonne concentration, très fruitée. Et contenant. Le vin a un rapport au temps qui n'est pas du tout linéaire. On ne couronne pas le vigneron qui produit le plus, on va couronner le vigneron qui a réussi à le mieux entretenir sa vigne, la bichonner. C'est ce que je veux faire avec mon vin, non? Il y a un moment donné, ça va, j'ai pas besoin d'avoir toujours 12 mecs autour de moi pour me dire ce que je dois faire. Vous êtes là à me regarder avec vos grosses couilles. Ils vont pas dormir, là, les éditeurs. Jean-Robert Pitt, bonjour à nouveau. Nous sommes ensemble pour poursuivre cette semaine consacrée au vin, dans la perspective, évidemment, tout le monde l'aura compris, de la fête des vignerons. Fête des vignerons, d'ailleurs, auquel vous auriez bien aimé participer. Oui, oui, c'est un rêve de tout amateur de vin de participer à cette fête des vignerons, et j'aimerais beaucoup y participer, même écrire dessus, parce que ça intéresserait beaucoup de... Il y a peu de Français qui ont, dans leur vie, participé à cette fête des vignerons. Peut-être peu de Suisses aussi, parce qu'il y a tellement de demandes et très peu de places. Voilà, ça fait partie de mes rêves. Jean-Robert Pitt, vous nous avez présenté hier votre travail, commencé il y a déjà un grand nombre d'années autour de la bouteille de vin, avec un objectif, nous disiez-vous, une soif de comprendre quelle était au fond l'histoire de cette bouteille, qu'est-ce que c'était que son histoire complexe et comment arriver à saisir et à comprendre, à expliquer, à documenter la multitude de formes qui avaient pu d'abord exister, puis après d'une certaine manière relativement s'uniformiser. Aujourd'hui, on dirait que en dehors de quelques, peut-être, exceptions, on tourne principalement autour de deux modèles centraux, épaules tombantes, épaules carrées. Est-ce que ça pourrait se dire comme ça? Oui, ça peut se dire comme ça, avec, je vais nuancer, parce qu'aujourd'hui, faire un moule de bouteille, ça ne coûte pas très très cher. Par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, on a essayé de faire quelques bouteilles originales. Les maisons de champagne, les premières, ont essayé d'inventer des bouteilles originales. Et surtout, juste après la Seconde Guerre mondiale, où certains nouveaux vignobles, comme par exemple la Provence, qui a commencé à faire du vin en raison du tourisme. On faisait du vin depuis l'Antiquité, mais on n'en vendait pas et on ne s'en servait pas dans les restaurants parce que c'était les bistrots, comme en Italie, on servait le vin au pichet sur les tables. Et on ne mettait pas le vin en bouteille. En Italie, la première région à mettre du vin en bouteille, c'est le Chianti Classico, mais qui adopte la bouteille bordelaise, parce que la clientèle est une clientèle d'Europe du Nord et surtout anglaise. Donc en Provence, quand on décide de mettre du vin en bouteille, en particulier ce fameux rosé qui est si à la mode aujourd'hui, hélas, on essaye d'inventer des formes évocatrices. Et c'est l'époque du Sissex Hansen, de Brigitte Bardot, etc. Et donc on invente une bouteille qui a un peu la forme de Brigitte Bardot. Réellement? Ah oui. Oui, bien sûr, oui. Avec ces deux renflements, et vous avez, si vous regardez, faut avoir bu quelques verres de vin, mais quand vous regardez la bouteille de loin, vous avez l'impression d'avoir Brigitte Bardot devant vous. Donc ça, c'est vraiment lié. C'est une bouteille complètement évocatrice. D'ailleurs, il y aurait tout un, on n'aura pas le temps d'en parler, mais tout un développement à faire sur toute la puissance évocatrice érotique des formes de bouteilles. Il y a énormément de choses à dire. Beaucoup de littérature. Il y a surtout beaucoup de représentations graphiques, de tableaux, de gravures, de publicité. La publicité est un... À une époque où on avait le droit de faire beaucoup de publicité sur le vin en France, les publicités de champagne, parce que ce sont les maisons qui ont de l'argent, donc qui peuvent se payer des vrais artistes, de bons publicitaires, des messages subliminaires incroyables. J'ai fait un peu ce travail, une veine de créativité artistique incroyable autour des publicités du champagne. Et parfois explicitement érotique. Très explicitement érotique. Ouais. J'ai des gravures, j'en reproduis quelques-unes dans le livre, qui sont assez croustillantes, croquignolettes. Parues aux édition Talendier. Jean-Robert Pitt, avant le verre, vous nous dites qu'on ne commence pas tout de suite à conserver et surtout à transporter le vin par le verre. Pour l'évidence que le verre est trop fin, on passe par d'autres... Oui. Avant, c'est les amphores. Dans l'Antiquité, il y a les... On a l'outre. On a l'outre, les amphores, et après, la barrique, le tonneau, qui est inventé donc aux environs du début de notre ère. On ne sait pas très bien si ce sont les Celtes ou plutôt des habitants des Alpes, les rettes peut-être, parce que ce qu'on appelle la boissellerie, c'est-à-dire les récipients fabriqués en bois et cerclés en force de façon à devenir étanche. La boisellerie est une invention de pays de forêt, bien sûr, parce qu'il faut beaucoup de bois, et le plus souvent de pays d'élevage, parce que ça sert beaucoup à la traite du lait, à la fabrication du fromage. Et il est probable que c'est venu des Alpes, peut-être du côté des Grisons, on ne sait pas très bien. En tout cas, la baratte, ancêtre du tonneau. Voilà, oui, on peut dire ça. Ou sans doute, il y a eu plusieurs inventions similaires, et tout ça s'est coordonné. En tout cas, les Gaulois, qui deviennent romains rapidement, après la conquête de César, deviennent de très très grands et excellents spécialistes du tonneau. Et donc ils en fabriquent beaucoup. Et le tonneau a un immense avantage par rapport à l'outre. Il est beaucoup plus solide. Hein. Une outre, ça se perce, ça, vous perdez tout. C'est une peau de bête, hein, une outre. Hein. Et alors qu'en plus, quand vous avez une grande outre, comme une peau de vache, par exemple... Oui, parce que certaines peuvent contenir... Jusqu'à 500 litres. Si vous prenez une peau d'une belle vache, vous pouvez mettre 500 litres de vin dedans. Vous faites un nœud aux pattes, vous faites un nœud là où il faut, vous cousez à l'endroit de la queue, etc. Et vous pouvez mettre 500 litres de vin dedans. Et d'ailleurs, c'était bien plus... On utilisait les outres pour transporter le vin depuis, par exemple, la vallée du Rhône, où le vin circulait dans des amphores ou dans des grandes jarres qu'on appelait d'olia, qui étaient à demeure dans les bateaux. Et pour les transporter, par exemple, dans le Massif central, avec des chemins tortueux, etc., sur des chevaux, etc., avec des charrettes plus ou moins efficaces et surtout sans amortisseurs, l'outre était pratique parce qu'elle ballottait, mais elle pouvait tenir. Sauf que... Il y a toujours le risque qu'il y ait une fuite, que ça se perce, etc. Bon, les vins n'étaient pas fragiles à l'époque, à la différence de ce qu'on fera après, parce que il y avait dans les vins antiques énormément d'additifs. Il y avait des herbes, il y avait du plâtre, il y avait de l'eau de mer, il y avait du miel, etc. Oui, bien sûr, toutes sortes d'additifs pour essayer d'éviter la transformation du vin en vinaigre. Donc le vin, ce qui ressemble plus au vin de l'Antiquité aujourd'hui, c'est soit le rétina grec, le résiné grec, mais il y en a de moins en moins de vins très résinés, soit les vermouths, par exemple, vous prenez un martini, ça vous donne une petite idée de ce qu'étaient les vins, dans une très petite idée. Mais dans le martini, vous avez du vin, normal, beaucoup d'herbes, de l'alcool, du sucre, un certain nombre d'additifs, et donc ça vous donne une petite idée... Mais vous ne pouvez pas dire « Ah ben ça, c'est bien le vin de telle région ». Il y a également quelques vignerons qui ont essayé de retrouver et de fabriquer, de produire des vins comme dans l'Antiquité romaine. Oui, sauf que personne aujourd'hui ne met tous ces additifs. Parce que c'est de la reconstruction. Oui, vous pouvez le faire pour plaisir archéologique. Mais non, il y a des gens qui font du vin à l'antique, mais ils ne mettent pas d'additifs. Par exemple, vous allez, il y a un domaine près de la Camargue qui fait ça, domaine des Tourettes, et puis vous allez en Géorgie ou en Arménie où on fait le vin dans des dolias à l'antique, mais il n'y a pas d'additif. En Géorgie, on met au sommet des dolias où on conserve le vin une espèce d'armoise, on met un paquet d'herbes au-dessus. Mais le vin, il n'y a pas de miel, on n'ajoute pas d'alcool, bon, dans l'Antiquité non plus, mais il n'y a pas de plâtre, il n'y a pas d'eau de mer, évidemment, vous imaginez ce que ça peut donner du vin à l'eau de mer. Remarquez, quand vous prenez une olive verte avec un verre de vermouth, c'est à peu près comme si vous preniez de l'eau de mer. Les dolias, définissez-nous bien ce que c'est. Dolia, c'est une grande jarre dans laquelle on fait fermenter le jus de raisin et on élabore le vin et on le conserve. Mais il faut qu'elle soit pleine et obturée de manière hermétique, de façon à ce que ça se conserve, sinon ça devient du vinaigre. Mais vous allez, aujourd'hui, vous allez en Géorgie, ce qu'on appelle les Gvevri, et les Gvevri, c'est classé au patrimoine de l'UNESCO, d'ailleurs, l'élaboration du vin en Gvevri, ou en Arménie, c'est la technique antique, et enterrée dans le sol. Alors, il y en avait aussi sur les bateaux, et l'amphore, en revanche, c'est le sous-contenant de la dolia, c'est l'équivalent de la bouteille par rapport à la barrique, puisqu'une amphore, c'est quand même 30 litres environ, une amphore en moyenne, et le poids de la terre cuite, c'est aussi 30 kilos, ou 20 kilos. Quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez transporter une amphore, apporter chez des amis quand vous êtes invité à dîner, ça vous fait 50 kilos sous le bras. Et en plus, c'est fragile. Si vous butez sur une pierre, l'amphore tombe et elle se casse. Et donc, vous perdez tout le contenu. Donc, c'est quand même pas très, très, très pratique. Tandis que la barrique, le tonneau, c'est extraordinairement pratique parce que ça contient 200 litres au moins, et parfois plus. Hein. Il y en a des bien plus grandes, des barriques. Enfin, bon, mettons 200 litres pour le tonneau le plus courant. Et ça roule. Ça se roule. Et si vous êtes un peu fort, vous pouvez même le monter sur un escalier pour le mettre sur un bateau avec des plans inclinés. Vous le roulez, c'est très facile. Une barrique vide, c'est évidemment, ça se roule avec un doigt. Hein. Mais une barrique pleine, il faut être un peu fort. Mais ça se roule très, très, très facilement et ça ne se casse pas. On va vinifier comme à l'époque, sans artifice, avec des méthodes d'avant. Et d'avant quoi? D'avant la technique, d'avant la chimie. T'en sais risquer ton truc, Charlie. À la moindre bactérie, tu fous tout en l'air. J'imagine que tu veux pas de soufre. Il en mettait, grand Jacques? Un peu, je crois. Ouais. On va faire comme lui. De la folie quand même. Et en même temps, si ça passe, ça peut donner un truc génial, un truc qu'on sera les seuls à faire. Ouais, c'est pour ça qu'on va le faire. Sinon, il y a un tracteur là-haut. Hein. Le tracteur, ça tasse les sols, je t'ai déjà expliqué. Ben voyons. Bien le cheval. Hein. Ça fait pas de bruit. Tu peux m'expliquer un truc? À quoi il joue Charlie avec ses vins à l'ancienne comme autant des moines? C'est quoi ces conneries? Ben, c'est son idée, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu vas quand même pas le laisser faire? Ben si, faut bien. Tu fais quoi, papa, là? Quoi? Tu fais quoi? Charlie veut pas de bois neuf, il veut pas acheter de nouvelles barriques, alors je nettoie les anciennes pour qu'il puisse s'en servir. Va bien falloir qu'il l'élève quelque part, son vin. Voilà ce que je fais. Tu te rappelles de ta vanne sur les amphores? Qu'on allait faire comme les romans? Et alors? Ben, on va faire comme les romans. Enfin, Charlie a atterri, quoi. C'est... Les romains, c'était il y a 2000 ans. Ils devaient le couper avec du miel, leur vin, tellement il était dégueulasse. Si on fait plus comme ça, c'est qu'il y a bien une raison. Peut-être. Il faut qu'on essaye. Et moi, Charlie, je mettrais pas un petit pressoir mécanique, là, histoire qu'on ait l'air moins con? Ah non, le raisin va le fouler avec les pieds. Comme à l'époque. C'est médiéval, ton truc, je te jure. On sait même pas si ça va tenir. Bien sûr que ça va tenir, t'inquiète. Ouais. Attention. C'est vraiment vouloir se compliquer la vie des trucs en pierre. Hein. Alors qu'on a des cuves thermorégulées juste à côté. Non, il va falloir se ronger les sangs pendant toute la fermentation à prier pour que les degrés flambent pas. Ça flambera pas, fais confiance. Moi, c'est en mes cuves en inox que j'ai confiance. Tu règles les températures et après, il n'y a plus aucun risque que ça monte. C'est tout ce que je veux éviter. Puis tes poteries, là, on dirait qu'on fait des olives, c'est déprimant. Faudrait que tu me promettes un truc. Quoi? Faudrait que tu me promettes que tu goûteras pas les vins tant qu'ils seront pas mis en bouteille. Jean-Robert Pitt, on découvre avec vous cette fantastique histoire qu'est celle de la bouteille de vin. Parmi le travail que vous avez pu mener, vous êtes passé évidemment forcément aussi par la représentation et donc par la peinture, parce que la bouteille de vin ou les bouteilles de vin sont fréquemment présentes dans les tableaux. Comment avez-vous procédé? Bah là, il aurait fallu travailler beaucoup plus que je ne l'ai fait. J'ai utilisé tout ce que je trouvais comme représentation picturale des bouteilles. Il faut savoir que les peintres, depuis la Renaissance, s'intéressent beaucoup au verre. Parce que le verre accroche la lumière, il y a la transparence, il est clair. C'est un défi pour le peintre. Il réfléchit. Donc pour le peintre, c'est passionnant, le verre. Et vous avez beaucoup de peintures de la Renaissance avec des verres de Venise transparents parce que ça accroche la lumière, on voit au travers, etc. Bon. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement le deuxième degré, c'est-à-dire la symbolique et l'esthétique de la bouteille, c'est plutôt la représentation concrète et technique d'une forme de bouteille. Donc ça, c'est une source technique très intéressante. Et puis après, donc, vient au fin 19e et au 20e siècle la bouteille représentée sur des publicités, soit dessinée, soit en photo, et qui, elle, est extraordinairement chargée de symbolique. Mais alors, du coup, quand la bouteille n'arrive pas à tenir parce qu'elle n'a pas encore son cuplat, ça veut dire que le peintre ne la représente pas. Vous avez un tableau très célèbre de Guido Reni où on voit Bacchus enfant qui est en train de boire au goulot dans une bouteille de Chianti, mais qui n'est pas paillée. C'est-à-dire, c'est l'équivalent des bouteilles, des fiasques de Chianti, mais non paillées. Et donc, il boit, et c'est une bouteille transparente. Donc, qui est probablement de cette origine. Donc, on voit le vin qui coule. Et en même temps, il y a un tonneau qui est en perse à côté. Donc, le vin coule. Et le petit Bacchus est en train de faire pipi. Et donc, les deux jets sont parallèles. C'est une très jolie représentation. Vous avez une espèce de communication entre le tonneau, la bouteille et le petit Bacchus, qui est assez extraordinaire. Oui, c'est une veine très, très, très riche. Mais la plus riche est celle de la publicité quand même, parce que là, on est vraiment dans la symbolique. Il faut susciter le désir si on veut vendre. Et quand on vend un vin cher, comme le champagne, mais c'est quand même que 75 centilitres, si on veut le vendre cher, surtout si c'est une cuvée de prestige, il faut faire rêver. On vend du rêve. Donc l'emballage, l'étiquette, et tout ce qui va autour compte énormément. Il y a plus de 200 ans, en 1743, en plein cœur de la Champagne, Claude Moët fondait Moët et Chandon. Une génération après, son petit-fils, Jean-Rémy Moët, donnait naissance à la maison qui transformerait le fruit de la terre et le travail des hommes en une effervescence magique. La naissance de la fête. L'excellence de la grappe à la flûte. Un héritage qui a traversé les siècles pour donner vie au plus raffiné des vins. Le champagne du cinéma. Des rituels emblématiques. Source d'une éblouissante effervescence. Créateur de magie. Plaisir, Robert Pitt, vous avez posé une question. Vous mettez l'auditeur depuis hier sous pression absolue parce qu'il n'a toujours pas la réponse. Mais voici le moment venu. Nous sommes à la fin de cette deuxième émission. Nous avons encore une bonne dizaine de minutes pour que vous nous racontiez pourquoi on en est arrivé à cette forme de bouteille dissemblable. Qu'est-ce que c'est que l'origine de cette histoire ? Ben écoutez, comme je vous l'ai dit, donc la bouteille à épaule tombante est une bouteille plutôt archaïque, puisque les épaules tombantes, c'est une partie de la bulle qui se forme au moment du soufflage de la boule de verre en fusion qu'on a accueillie dans le four. Épaule tombante, disons, le modèle Bourgogne. Le modèle Bourgogne, le modèle Champagne, et qui est un modèle aussi de la vallée du Rhône, par exemple, c'est-à-dire plutôt de l'est de la France, qui est un modèle aussi du nord de l'Italie, par exemple le Barolo, ou certains vins des vallées alpines, pas le Chianti. C'est une forme qui est devenue minoritaire aujourd'hui. Aux États-Unis, par exemple, on utilise cette forme de bouteille tombante plutôt pour les vins à base de Chardonnay et de Pinot, parce que le but est de dire, regardez, nous aussi, on sait faire du Chardonnay et du Pinot aussi bon qu'en Bourgogne. D'ailleurs, on prend les bouteilles de Bourgogne. Personne n'a l'idée aux États-Unis de mettre un Chardonnay dans une bouteille à épaule carrée, dans une bouteille bordelaise. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ça se vendrait. Parce que, pour l'amateur, le connaisseur, l'association d'idées entre la bouteille à épaule tombante, le chardonnay et le pinot, qui sont les deux grands cépages nobles de la Bourgogne. Il y a des petits cépages à côté, comme la ligotée ou le gamay, mais les grands cépages nobles, c'est le pinot et le chardonnay. Donc, presque partout dans le monde, le pinot est mis en bouteille dans des bouteilles bourguignonnes. Et le chardonnay aussi. Ce qui est très, très, très curieux. Mais de la même manière, on fait du Riesling et du Gewürztraminer dans plein de régions du monde maintenant, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, au Chili, etc., en Argentine. Et on met ces vins presque toujours dans des flûtes, c'est-à-dire dans des bouteilles qui ressemblent aux bouteilles de vin d'Allemagne et de vin d'Alsace. Alors, la bouteille à épaule carrée, elle, c'est une conquête technique d'abord, assez compliquée. Hein, il faut façonner ces épaules carrées avec des ciseaux, avec des instruments assez complexes, parce que n'oubliez pas qu'on est dans un matériau qui est à 1000 degrés. Hein, donc il faut façonner ça avant qu'on ait les machines. Maintenant, il y a les machines, c'est plus de problème. Mais quand on invente la bouteille à épaule carrée, fin 17e, début 18e, en Angleterre et aux Pays-Bas et en Flandre, c'est une conquête technique importante. Qui est bien connue, enfin on connaît bien les instruments qui permettent de façonner ses épaules. Elle va servir, cette bouteille, à mettre des vins qui viennent soit d'Espagne, Porto, Sherry, Madère, soit de Bordeaux, puisque c'est les grandes régions d'approvisionnement des pays d'Europe du Nord qui ne produisent plus de vin. Aujourd'hui, grâce au réchauffement climatique, à la faveur du réchauffement climatique, ils recommencent à en produire, et tant mieux, je m'en réjouis, comme le nord du Japon, où on fait des très bons vins. Bon, ça c'est une autre histoire pour la prochaine fois. Donc ce sont des vins qui viennent de ces pays méditerranéens, ou en tout cas de l'Europe du Sud. Compte tenu aussi de l'évolution des techniques de vinification, et du fait qu'on n'a pas de filtrage très efficace à l'époque, on a des vins qui ont beaucoup de dépôts. Tous les vins du monde, à cette époque d'Europe, ont beaucoup de dépôts. Les Bourgognes ont plein de dépôts. Sauf que ça ne gêne personne. Le fait qu'on vous mette du vin avec un peu de dépôt ne gêne pas les amateurs de Bourgogne. Oui. Même des phrases de Talleyrand très passionnantes à ce sujet, ça ne gêne pas. Et on n'essuie pas la poussière sur la bouteille, parce que si la bouteille, qu'on met une bouteille poussiéreuse sur une très très belle table, ça veut dire qu'on honore les invités en leur servant une bouteille antique qui a vieilli, et donc avec un vin qui va leur procurer un plaisir extraordinaire. Mais le dépôt ne gêne pas. D'autant plus que les bourguignons boivent souvent au fond des caves quand ils reçoivent des amis et qu'on est dans le noir ou presque avec une bougie, donc qu'il y ait du dépôt ou pas, on s'en fiche. Que le verre soit pas très propre, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est le parfum et le goût. On n'est pas dans l'esthétique. Alors je ferai une comparaison qui va m'amener à la suite. Une cave bourguignonne classique, aujourd'hui c'est plus le cas malheureusement, ça ressemble un tout petit peu à un confessionnal d'église. Vous êtes dans le noir, vous confessez vos péchés, et puis voilà, et puis vous recevez la grâce du ciel. Là, il n'y a pas besoin de confesser ses péchés, mais vous débouchez la bouteille et la grâce du ciel vous arrive, même si vous êtes dans le noir. Et c'est l'amitié, c'est le contact avec le vigneron qui vous reçoit, et le plaisir de boire le vin. Vous n'êtes pas dans une contemplation esthétique visuelle. Le noir ou l'obscurité va très très bien. Et cette obscurité, elle plaît assez aux catholiques, qui se retrouvent comme dans les églises. Les églises ne sont pas très très claires. D'autant quand elles sont romanes, ce qui est quand même pas mal le cas en Bourgogne. Oui, donc c'est une ambiance plutôt catholique. Et donc c'est ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, et je me suis dit, est-ce que par hasard cette bouteille à épaule tombante, elle n'aurait pas un rapport avec la sensibilité religieuse et avec les mentalités? Est-ce qu'elle ne serait pas un peu catholique? Allez, tu viens avec moi, on va chercher des munitions. Ça va peut-être aller là, non? Pour savoir qu'un verre est trop, encore faut-il l'avoir vu. Clos des Mouches, 1928, non. Romanée Conti, 45. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais c'est la caverne d'Ali Baba, là. T'es de quand, toi ? 76. 76. Alors. Tiens. Débouche-moi ça. Tu sais ce qu'on dit ici ? Si ta femme attend un enfant, mieux vaut réussir le millésime. T'as l'air moins con au repas d'anniversaire. Ton père était en état de grâce. Il y a de la lumière dans un... Donc ça m'a poussé à creuser un peu la question des épaules carrées, en fait de plus en plus carrées, et dont le but principal est de retenir le dépôt. C'est-à-dire que ce sont les Anglais, vous savez comment on dit une carafe en anglais, c'est decanter. Decanter, ça sert à la décantation. C'est-à-dire qu'on ne met jamais en Angleterre ou aux Pays-Bas ou au Danemark, en Allemagne, dans les pays protestants, on ne met jamais une bouteille sur la table. On met une carafe. Quand vous allez dans les collèges de Cambridge et d'Oxford, où on boit des portos prodigieux, des vieux Bordeaux magnifiques, à la fin du dîner avec les professeurs dans le hall, avec les étudiants, les professeurs, les fellows se retirent dans un petit salon à l'arrière, où il y a des tables en acajou vernis magnifiques, des chandeliers en argent, tout ça brille de partout, et on vous apporte non pas des bouteilles de porto, on vous apporte des carafes. Ça a été, par le butler, par le maître d'hôtel, ça a été décanté soigneusement. Et pour décanter, eh bien... il vous faut les épaules carrées. Vous ne pouvez pas décanter une bouteille de Bourgogne. Une bouteille de Bourgogne, bon, le champagne, il n'y a pas besoin de le décanter puisque c'est blanc, il a été filtré, mais la bouteille de Bourgogne, vous ne pouvez pas la décanter parce que sinon vous laissez alors la moitié du vin dans la bouteille. Donc, comme l'épaule est tombante, donc tout glisse, y compris le dépôt. Évidemment. Donc, on ne décante pas. D'ailleurs, jamais un bourguignon ne décante ses vins. On ne vous dit jamais. À la rigueur, certains néo-vignerons contemporains disent « Ah, si le vin est très très jeune, décantez-le, ça va l'aérer, il pourra se boire plus facilement. » Mais en fait, dans la tradition d'Europe du Nord, on décante les vieux vins. Et on décante parce qu'il y a beaucoup de dépôts, parce qu'on ne sait pas bien filtrer les vins. Alors on va essayer de filtrer de mieux en mieux, on va coller au blanc d'œuf, etc., à Bordeaux, voire au sang de bœuf, pour faire tomber au fond de la barrique le dépôt. Alors, il y a moins, oui, moins de dépôts, mais quand même, il y en a encore beaucoup. Les vins, aujourd'hui, vous achetez une bouteille de vieux Porto, vous conservez une bouteille de vieux Porto, vous aurez du dépôt au fond. C'est des vins, en plus, avec des cépages très tanniques, et il y a beaucoup de dépôts. Donc les épaules carrées, c'est pour décanter. On met dans une belle carafe, et ensuite on sert du vin qui est translucide. Une carafe en cristal, un verre en cristal magnifique, le plus propre possible, de l'argenterie, beaucoup de lumière autour. Et en fait, vous apercevez que c'est la sensibilité protestante de l'Europe du Nord. Le protestant, il n'a pas de confession, il n'a pas de prêtre. Les pasteurs sont là que pour donner des indications, mais ils n'ont pas de pouvoir sacramentel. Par conséquent, vous êtes sous le regard de Dieu directement. Donc vous devez être transparent. D'où la confession publique qui est très répandue aux États-Unis ou dans les pays protestants. Et donc, c'est l'idée de transparence sous l'œil de Dieu. Et donc, le vin est une métaphore de cette transparence que le fidèle puritain, le fidèle, surtout s'il est calviniste, comme aux Pays-Bas, mais ou anglican, c'est pareil, que le fidèle puritain se doit d'avoir sous le regard de Dieu. Il doit être pur, il doit être totalement transparent. Et Jean-Robert Pitt, quand vous faites cette proposition-là, j'imagine que vous avez dû avoir quand même quelques réactions. Alors, avant d'écrire ce livre, j'avais écrit un petit article dans L'Amateur de Bordeaux, la revue créée par Jean-Paul Kaufmann et Michel Guillard, sur ce sujet. Bordeaux est-il un vin protestant ? Ça me tracassait depuis longtemps parce que c'est un sujet d'ailleurs qui m'intéresse beaucoup. C'est on ne peut pas comprendre l'Europe sans cette coupure entre l'Europe protestante et l'Europe catholique. Et la Suisse, évidemment, ça joue un très très très grand rôle. Je pense qu'en Suisse, quand dans les cantons calvinistes, on ne met pas de rideau aux fenêtres, ce n'est pas par hasard. Non plus, c'est bien la même chose que le vin transparent dans la carafe et dans la bouteille. Donc cette idée de transparence du puritanisme calviniste ou luthérien dans certaines versions, moins dans la vallée du Rhin, où le luthérianisme est quand même assez proche du catholicisme. Alors, quand j'ai écrit cet article, je pensais aussi au fait que les grands Bordeaux ont été inventés, non pas par les vieilles familles bordelaises de l'aristocratie catholique, mais ont été inventés par les Chartrons. Et les Chartrons, c'était les négociants en vin beaucoup d'origine anglaise ou néerlandaise ou danoise, installés sur les bords de la Gironde, à l'aval de la ville de Bordeaux, sur des terrains marécageux qui appartenaient aux Chartreux, d'où le nom de Chartrons, qui ont construit leurs hôtels particuliers magnifiques, les chais derrière, et qui étaient tous protestants. Quand vous visitez le quartier des Chartrons, après les Quinconces à Bordeaux, le bâtiment qui attire l'œil dès qu'on est dans la rue des Chartrons, c'est le temple des Chartrons. Donc toutes ces familles, alors il y en a de moins en moins maintenant dans ce quartier, mais toutes ces vieilles familles bordelaises de Chartrons étaient d'origine étrangère et étaient protestantes. Et donc l'invention du Grand Médoc, c'est une invention protestante pour le marché de l'Europe du Nord. À Paris, le premier qui boit du vin de Bordeaux avec beaucoup de surprise et qui n'en reboira jamais de sa vie, il a goûté une fois, c'est Louis XV. Et après, il faut attendre Napoléon III pour qu'on boive vraiment du vin de Bordeaux à Paris. Donc, alors, quand j'ai écrit cet article pour la première fois dans l'Amateur de Bordeaux, j'ai reçu d'un de mes collègues spécialistes du vin à Bordeaux, qui était ni catholique ni protestant d'ailleurs, mais qui a fait une thèse magnifique sur le Médoc. Je peux dire son nom d'ailleurs, René Pijassou, qui était un ami, mais il m'a envoyé une lettre que j'ai conservée, assassine. Mais c'est totalement ridicule, c'est n'importe quoi. Comment osez-vous écrire des choses pareilles, etc. D'ailleurs, j'en ai parlé à certains amis propriétaires de châteaux. Ils ont éclaté de rire. Ils n'ont pas cru du tout à ça. Bon, j'ai mis ça dans ma poche, mon mouchoir par-dessus. Et c'est ce qui m'a décidé aussi à écrire ce livre. J'ai dit, bon, donc sans doute j'ai été un peu rapide. Il faudra étayer. Et donc j'ai de plus en plus étayé. Et donc ça aboutit à ce livre. Ça aboutit à un petit livre aussi qui s'appelle Bordeaux-Bourgogne, les passions rivales, dans lequel, paru en 2005, je crois, chez Hachette, qui est en livre de poche aujourd'hui, toujours chez Talendier, et dans lequel il y a tout un chapitre un peu caricatural, Bordeaux vin protestant et Bourgogne vin catholique. Mais il y a eu, après mon article dans l'Amateur de Bordeaux, un petit article dans la revue Réforme, qui est la revue, grande revue protestante française, et qui était un article extrêmement élogieux en disant « C'est formidable, on n'avait jamais pensé à ça, mais qu'est-ce que c'est drôle, et qu'est-ce que c'est bien, ça doit être vrai sans doute. » Donc au lieu de prendre ça très mal, ils ont pris ça plutôt bien, alors que moi je suis plutôt de tradition catholique, et c'était plutôt pour me moquer un peu de cette idée, pourquoi est-ce qu'on a besoin de boire du vin sans dépôt. Moi je préfère boire une Romanée Conti avec plein de dépôts au fond de mon verre qu'un mauvais petit Bordeaux parfaitement translucide. Tiens, un mot, Jean-Robert Pitt, sur ce qu'on l'on voit arriver, revenir plus exactement, et notamment en Suisse, que sont les cépages autochtones. Oui. Est-ce que vous avez un peu travaillé là-dessus? Non, on peut pas vraiment travailler, mais enfin, j'ai goûté la petite arvine et tout ça, c'est absolument merveilleux. Ben, les cépages autochtones, ça n'existe pas. Il n'y a pas de cépages autochtones, puisque la vigne est apparue au Moyen-Orient il y a maintenant 7 ou 8 000 ans. Non, mais disons des cépages qui ont pu résister au moment de la grande maladie du phylloxéra au 19e. Et non, mais aucun cépage n'a résisté au phylloxéra. Il a fallu, tout a été greffé sur souche américaine. Donc, des pieds francs, il y en a quelques îlots, mais il y en a pratiquement pas dans le monde. Donc, tout est greffé sur souche américaine parce que ça résiste au phylloxéra. Le phylloxéra étant un insecte qui vit dans la terre. Donc, on a sauvé tous les vignobles de la planète grâce au greffage. Mais beaucoup de régions ont été envahies par quelques grands cépages, dont le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, le Sauvignon, le Pinot, la Syrah. Donc, une dizaine. Mais il y a des îlots de résistance, et la Suisse, évidemment, n'étant pas dans les grands courants de circulation et ayant plutôt tendance à boire ses vins plutôt qu'à les vendre à l'extérieur, et quand elle les vend cher, donc la Suisse a été une sorte de reliquaire des vieux cépages, comme le Jura en France, c'est pareil, avec le Savagnin, avec le Poulsard, avec le Trousseau. Vous avez un certain nombre de régions dans le monde où des vieux cépages, ou les îles, par exemple, la Corse est une sorte de reliquaire des vieux cépages, ou des régions comme Gaillac, par exemple, c'est les vignobles les moins connus, en fait. Vous nous redonnez le titre de votre ouvrage, je vous prie. Alors, La bouteille de vin, histoire d'une révolution, publié chez Talendier. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Mais je vous en prie. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, bah, pour tous ceux qui connaissent pas encore la maison, le plus important ici, c'est que les raisins arrivent nickel sur la table de tri. Il n'y a que ça qui compte. Ça veut dire qu'on se concentre, on les balance pas dans les paniers. On les pose délicatement. Je veux des grappes impeccables. Et le premier qui fait splash, par exemple, qui balance ça comme ça, bah, il pourra rentrer chez lui. C'est compris ? Très bien. Bon, bah au travail. Hein. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.